Pour eux, l'Europe, spontanément, c'est... plusieurs pays réunis sans frontières. Liberté, voyage, et découvrir d'autres cultures. Plus de communication entre les pays. Je pense aussi à l'Union Européenne.